J'allume la lumière de mon âme. J'allume un stick et mes yeux clignent. Je l'allume pour garder mon calme. Je l'allume pour que mes démons se calment. Je n'ai pas l'esprit super clean. Car c'est la vie qui nous condamne. J'enlève la tête et j'imagine. J'ai des souvenirs qui m'accompagnent. Je voudrais voir le monde et mon temps. J'ai vu la mort me faire des signes. J'avance vers l'avenir que je dessine. Je m'en mets parfait, je sais, je l'assume. Mon Dieu, j'ai beaucoup trop de lacunes. J'ai toujours la tête sur la lune. Il y a beaucoup de larmes dans ma plume. Je suis un vagabond qui traîne. Au chemin et quelques regrets. J'ai semé le temps, j'en ai pris graine. Je ne suis pas de ceux qui freinent. Plus j'avance, plus le temps me fait peur. Plus j'avance, plus ce monde m'écœure. Plus j'avance, plus ce monde m'écœure. Merde, ce noix dans la liqueur. J'allume afin que le ciel m'épleure. J'allume afin d'éteindre mes pleurs. J'allume et je tombe pendant des heures. J'allume. J'allume. J'allume. J'allume. J'allume. J'allume un stick et je traîne mon spleen. J'allume la brine que je sors mon jean. J'allume un stick et mes yeux clignent. Je n'ai pas l'esprit super clean. Donc j'allume. J'allume. J'allume. J'allume. J'allume. J'allume. J'allume la lumière. Pour rester sage, j'allume et je tutoie les nuages. Il faut bien que je m'extire de la cage. Alors j'inspire, j'expire de la rage. J'allume et je tourne pendant des heures. Faut pas dans ma tête, c'est le désordre. Faut pas dans ma tête, c'est le désert. Je ne sais même pas ce que je désire. J'allume la lumière, cherche l'espoir. J'allume dans le noir quand je marche le soir. J'ai beaucoup de problèmes personnels. Et quand vient le soleil, je perds le sommeil. J'allume la lumière, cherche l'oseille. Je sais pas pourquoi mais j'étouffe. J'allume un spire et reprends mon souffle. Je souffle la fumée quand je souffre. Pourquoi la paix jamais ne vient. Le passé jamais ne revient. Il me réveille, je rêve que je quitte ce monde. Quand je vois ce monde, qu'est-ce qu'il devient. Je ne sais même pas ce qui me retient. J'allume.